Chapitre 17e. Lorsqu'après leur première nuit passée dans l'étrange demeure du docteur Meraki, Arroulian et Piébal, qui n'avaient guère fermé l'œil, descendirent vers 8 heures du matin dans la véranda cabinet de travail du lauréat de l'Université de Philadelphie, celui-ci était déjà devant son bureau. « Je ne m'étais pas trompé, » dit-il après avoir serré les mains des deux bandits. « La jeune inconnue, cocaïnomane, a rendu le dernier soupir un peu avant le jour. J'ai téléphoné à la mairie. Pour qu'on m'envoie mon confrère, le médecin des morts. Teddy, lui, va bien. Je suis allé le voir il y a quelques minutes. Sa rage a aidé la nature. Il est à peu près désintoxiqué. Il se roule dans sa camisole de force, en poussant des hurlements d'enfer et en proférant des menaces effroyables contre nous tous. Il se calmera. D'autre part, les journaux de ce matin annoncent la mort à Avignon de ce pauvre Goliath. Nous sommes sûrs qu'il ne nous trahira pas. Observa cyniquement Piébald. Meraki resta impassible. Sur son invite, Arroulian et son gendre hypothétique passèrent avec lui dans la salle à manger où le petit déjeuner était servi. Les trois hommes parlèrent peu. Meraki se leva presque aussitôt pour aller visiter ses pensionnaires. Arroulian et Piébald, n'ayant rien de mieux à faire, allèrent se promener, cigare en bouche, dans le vaste parc qui entourait la résidence du médecin. Au dîner, le soir, Meraki leur apprit que tout s'était bien passé. Le médecin des morts avait conclu dans le même sens que son confrère et avait délivré le permis d'inhumer. Déjà, Meraki, ne se souciant pas de conserver chez lui cette morte compromettante, l'avait fait transporter au dépositaire du cimetière. Cette annonce dérida les deux bandits. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère de contentement. Comme ils le faisaient après chaque repas, les trois compères au dessert passèrent dans le cabinet de travail du médecin, où il pouvait causer sans craindre les oreilles indiscrètes. Il venait à peine de s'y installer lorsque le timbre d'ébène posé sur le bureau de Meraki crépita. Le docteur alla lui-même tirer le verrou de la porte. Un valet apparut. « C'est une dame qui désirerait causer tout de suite à monsieur le docteur, » dit-il, « c'est urgent. Ben, »« Elle est folle !» s'exclama Meraki. « Mais ce n'est pas mon heure de consultation. Qu'elle revienne demain matin à 9 heures. » Cette dame a dit que le monsieur le docteur la recevrait sûrement si elle vous a dit son nom, interrompit Meraki. Oui, c'est mademoiselle Sonia. Ce fut comme si un pavé fût tombé entre les trois hommes. Piébald sursauta. Mais, exclama Arroulian. Meraki, heureusement, possédait le sang-froid d'un caïman. Ah oui, se hâta-t-il de dire pour couper la parole au marchand de pierreries. Une russe, je sais ce que c'est. Faites entrer. Le domestique se retira. C'est ma fille, fit Arroulian à peine la porte fermée. Il se peut, opina Meraki, mais il est inutile de le crier sur les toits. Il faut. Comment a-t-elle pu savoir que nous étions ici? Observa Piébald en regardant fixement son futur beau-père. Ce n'est pas moi qui le lui ai dit, protesta le marchand de pierreries. Nous saurons cela, fit le médecin. Une minute, une de ces minutes qui semblent ne jamais devoir finir, s'écoula. Le timbre résonna de nouveau. La porte de la véranda s'ouvrit. Passant devant le valet qui retenait le battant rembourré, Sonia Arroulian avança d'un pas chancelant. Son visage était recouvert d'une épaisse voilette qui masquait presque complètement ses traits. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle, » fit Meraki en clouant du regard les paroles prêtes à s'échapper des lèvres d'Arroulian. Sonia, sans mot dire, prit place sur une chaise, cependant que le domestique disparaissait en refermant la porte sur lui. Piébald aussitôt alla pousser le verrou. « Ma fille !» s'exclama Arroulian. Il se dressa et s'élança vers la jeune fille, les bras ouverts. Sonia eut un imperceptible mouvement de recul. Elle se raidit, se mit debout, et ayant vivement posé sur sa chaise la petite cassette d'érable gris qu'elle tenait à la main, tomba comme une statue qui s'écroule dans les bras du marchand de pierreries. Elle haletait. Les sanglots jaillirent de sa poitrine. « ma pauvre petite !» bafouilla Arroulian avec une sorte d'attendrissement à demi sincère. Il couvrit de baisers les joues ruisselantes de la jeune fille. Elle resta inerte, comme figée. « Sonia, tu es malade ?» questionna Arroulian surpris et inquiet, presque irrité. « Pardonnez-moi, mon père, oui, je suis un peu faible. » C'est le grand air qui m'a saisi. Il y a longtemps que je n'étais plus sortie, balbutia la jeune fille en se dégageant doucement. Arroulian resta les bras ballants, ahuri, au milieu de la pièce. cependant que Sonia, ayant repris sa cassette, s'asseyait de nouveau. « Vous avez là une bien jolie boîte, mademoiselle, » observa Piébald avec un regard aigu. « Ce sont quelques souvenirs qui m'appartiennent, » expliqua Sonia qui rougit sous sa voilette. « Oh, je vous demandais cela sans penser indiscrète, » assura le bandit. « Je suis tellement troublé, heureux de vous revoir, d'autant plus que j'ignorais que vous saviez où j'étais avec votre père. » Sonia ne répondit pas, mais les trois hommes purent entendre le claquement de ses dents entrechoquées par la fièvre. « Je te présente le docteur Meraki, » fit Argoulian pour dire quelque chose. « Un vieil ami dont tu as sûrement dû entendre parler. » « Très heureux de faire votre connaissance, mademoiselle, » assura galamment le médecin. « Vous êtes bien bon, monsieur, » murmura Sonia avec une inclination de la tête. « Et comment as-tu fait pour nous dénicher, petite ?» questionna Argoulian. « L'on m'a donné votre adresse, quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et puis-je savoir qui ?»« Cela importe peu. J'aurai à vous parler, mon père, le plus tôt possible. » Argoulian se tourna vers ses complices. Il reçut de chacun un coup d'œil impératif, net, tranchant, qui signifiait « Faites-la parler, ici, devant nous. » Il comprit. « Tu peux parler devant ces messieurs. Ce sont de vieux amis, des frères pour moi. Parle-moi donc, Sonia. J'aimerais mieux vous parler à vous seul, mon père. Ce sont des choses qui n'intéressent en rien ces messieurs. » « Il me semblait que j'étais déjà un peu de la famille, » observa Piébald sardoniquement. Meraki prit la pose indifférente de celui qui assiste à une querelle, mais qui ne veut pas s'en mêler. Piébald et lui échangèrent un bref regard peu tendre pour Argoulian. « Parle donc, petite, tu peux tout dire ici, » insista ce dernier. « J'en suis persuadé, mon père, mais vous me permettrez bien pourtant de ne parler que quand je le voudrais. » C'était net. Argoulian se sentit gêné. « Mademoiselle voudra bien nous expliquer, peut-être, » remarqua Piébald d'une voix légèrement sifflante. « Comment elle a pu nous trouver et surtout d'où elle vient? Ce sont des choses qui nous intéressent beaucoup, n'est-ce pas, docteur ?»« Absolument, » appuya Meraki en fixant la jeune fille. Sonia Reddy riposta. « Je n'ai pas de compte à vous rendre, messieurs. Je suis venu ici rejoindre mon père. Il vous dira que je suis incapable de nuire à ceux qu'il nomme ses amis. Si mon père veut bien me suivre, je pense que ce sera le mieux. » Un silence se suivit ces paroles. Piébald et Meraki se regardèrent encore. « Sonia, voyons, » fit Argoulian gêné, « tu ne m'as pas habitué à me parler ainsi. Ces messieurs comme moi ont des raisons de craindre tes indiscrétions. Il est tout naturel qu'ils veuillent savoir comment tu as pu découvrir notre retraite. Tu peux parler, je te le répète. Par ton silence, tu autorises toutes les suppositions. » « Vous pouvez le dire, monsieur Argoulian, » appuya Piébald avec gravité. « Je n'aurais pas cru, monsieur Piébald, lorsque je vous ai aidé à fuir de la cave où vous étiez enfermé, que vous parleriez ainsi, » observa Sonia méprisante. « Si j'avais eu des mauvais desseins envers vous, je n'avais qu'à vous laisser où vous étiez. » « Vous ne m'avez pas indiqué les motifs qui vous ont poussé à me délivrer, mademoiselle. Je ne vous les ai pas demandés, et je ne les connais pas. » Car bien que votre père m'ait agréé comme votre fiancé, je n'attends encore de vous qu'un témoignage d'affection. Moi aussi, monsieur, et j'en suis très heureuse. Je souhaite une seule chose, que vous trouviez une fiancée plus conforme à vos goûts. Pour moi, je vous le dis, je préfère mourir que de devenir votre femme. Voilà de bonnes paroles, ricana Piébald, jaune de rage. Mais nous reprendrons cette conversation-là un autre jour. Pour l'instant, tant au nom du docteur Meraki qu'au mien, je vous invite à expliquer comment vous avez connu notre présence ici. Nous y tenons absolument. Et si je refuse de répondre? Sonia, mon enfant, balbutia Argoulian terrifié. Si vous refusez de répondre, nous vous ferons parler, menaça Piébald. Il y a des cellules et des cabanons ici. Il me semble qu'après cela, mon père, le plus simple est de nous en aller, articula la jeune fille en se levant. Sonia, tu devrais... Oh, finissons-en, articula Piébald hors de lui. Si vous l'ignorez, je vous le dis, mademoiselle. De concert avec Otto Drôle et Teddy, votre père a assassiné le vieux Karl Jacobsen dans l'îlot Maiden. Il m'a aidé à administrer à Otto Drôle une poudre qu'il l'a envoyée au diable, son patron. Moi, je suis l'associé d'un assassin, je le sais, je ne m'en cache pas. Votre père en est un, d'assassin. Le vin est tiré, il faut le boire. Nous voulons les perles. Nous sommes entourés d'ennemis de toutes sortes qui les veulent aussi, et qui veulent nous envoyer à l'échafaud. Donc, pas de sentimentalisme. Vous nous direz comment vous êtes ici. Sinon, tant pis. Nous irons jusqu'au bout. Je n'ai qu'une tête, on ne me la coupera pas deux fois. Voilà. Piébald avait parlé d'une voix âpre, cinglante. Sonia debout l'avait écoutée, rigide comme un marbre. Argouliant, la bouche ouverte, les yeux dilatés par l'épouvante, était hagard. Il n'avait même pas trouvé la force de tenter d'interrompre son complice. Meraki paraissait indifférent. Pas une ligne de son visage n'avait bougé. Mais à plusieurs reprises, des étincelles avaient passé dans ses petits yeux de basilic. « Ma pauvre petite Sonia !» bégaya Argouliant, la lèvre baveuse. « Je suis un misérable. J'ai été entraîné. Ne perds pas ton pauvre père. »« Oh ! Il ne reste plus rien à perdre, mon père, » fit amèrement la jeune fille. « Nous avons assez discuté, » intervint Meraki. « Mademoiselle a la fièvre. Inutile de l'exciter davantage. Mademoiselle va passer ici une nuit de repos. Demain, une fois plus calme, je suis persuadée qu'elle comprendra mieux le bien fondé de nos questions, si indiscrètes qu'elles puissent paraître. « Et si je refusais de rester ici ?» demanda Sonia. « Nous vous y forcerions, » répondit Piébald, brutal et catégorique. « C'est d'ailleurs dans votre propre intérêt, mademoiselle, » assura Meraki. « Et si jamais quelqu'un, police ou autre, venait nous inquiéter, votre père paierait pour vous, d'abord. Je vous en avertis, » grommela Piébald. Sonia ne daigna pas répondre.